بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل سندخل دوزيام أسيز autour de cette réplique de son éminence Cheikh Ubayd حفظه الله تعالى. Et je rappelle, frère en Allah Azza wa Jal, que la critique et l'éloge, ainsi que les répliques, ont provoqué l'insomnie chez les mukhaddiloun et chez les innovateurs. Je rappelle que le mukhaddil, c'est celui que tu crois qu'il est sur le même chemin que toi, les mêmes références que toi, mais en réalité, il veut te faiblir de l'intérieur. Et les innovateurs, leur situation, elle est claire. Et tous les deux, que ce soit le mukhaddil, ou l'innovateur, la critique et les répliques, ça les a rendus insomniaques. C'est pour ça qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour jeter des ambiguïtés. C'est la jeunesse musulmane et c'est les jeunes salafis. Des fois, ils t'arrivent avec des paroles, à quoi ça sert? Les répliques durcissent les cœurs. Et justement, cette parole, il a été dit à Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, certains disent que les répliques, les redoutes durcissent les cœurs. Et il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde, il le préserve, il nous fasse profiter de sa science. C'est le fait de ne pas répliquer qui durcit les cœurs. Et beaucoup de gens essayent de jeter dans la jeunesse salafie des ambiguïtés, hein, avec des paroles du Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, comme quoi Cheikh Al-Fawzan rejette les répliques, il les interdit, alors que lui-même, hafidhahullah, il a fait le radd al-Bouti, il a fait le radd Ali Hassan, il a fait le radd Abu al-Hassan, etc. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve les hommes de science. Mais quand on ne comprend pas la parole des hommes de science, et comment on suit ses passions, on va chercher, hein, ce qui nous plaît dans la parole des hommes de science pour essayer de semer le trouble et créer la fitna, c'est les jeunes. Et avant de revenir à la réplique de son éminent Cheikh Ubayd hafidhahullah, je vais vous lire quelque chose concernant les critiques et qui vient directement de la parole de Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. وإذا اقتضى الأمر أن يصرح باسم الأشخاص حتى لا يغتر بهم. يقول حفظه الله، لقد يقول السائل، لقد تفشى بين الشباب ورع كاذب، وهو أنهم إذا سمعوا الناصحين من طلبة العلم أو العلماء يحذرون من البدع وأهلها ومناهجها، ويذكرون حقيقة ما هم عليه ويردون عليهم، وقد يوردون أسماء بعضهم ولو كان ميتا لافتتان الأمة لافتتان الناس به، وذلك دفاعا عن هذا الدين وكشفا للمتلبسين والمندسين بين صفوف الأمة لبت الفرقة والنزاع فيها، فيدعون أن ذلك من الغيبة المحرمة. فما هو قولكم في هذه المسألة؟ la question qui a été posée à son éminence, Cheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il s'est propagé dans le milieu des jeunes une certaine fausse abstinence. Hein, une abstinence mensongère, wara' kadib, qui est que quand ils entendent les ceux qui conseillent, parmi les demandeurs de science et les hommes de science, ces conseillers qui prodiguent le conseil, quand ils les entendent avertir contre les innovations et les gens de l'innovation, ils les voient les innovateurs, et ils citent la réalité sur laquelle sont ces innovateurs, et ils leur répliquent, et peut-être qu'ils citent leur nom, et ils citent le nom de certains qui sont même morts, parce que les gens sont perturbés par eux, et ceci pour défendre la religion, et pour dévoiler ceux qui se déguisent, et ceux qui s'immiscent dans les rangs de la communauté. Pour créer la fitna et la divergence, ceux-là prétendent hein, que ceci fait partie de la médisance interdite. Qu'est-ce que vous en dites de ce sujet ? Yaqulu hafidhahullah, tu as toujours du sang ? يقول حفظه الله القاعدة في هذا التنبيع على الخطأ والانحراف وتشخيصه للناس وإذا اقتضى الأمر أن يصرح باسم الأشخاص حتى لا يغتر بهم وخصوصا الأشخاص الذين عندهم انحراف في الفكر أو انحراف في السير والمنهج وهم مشهورون عند الناس ويحسنون بهم الظن فلا بؤس أن يذكروا بأسمائهم وأن يحذر منهم. Il dit, حفظه الله تعالى, la règle en sous ça, c'est d'attirer l'attention sur l'erreur, sur la déviance, et de montrer aux gens l'erreur et la déviance là où il est. Et si la situation implique qu'on doit prononcer les noms de personnes parce que les gens se sont fait avoir par ces personnes, et surtout les gens qui sont connus par leur déviance dans les pensées et par leur déviance dans la voix et dans le manhaj, ils sont réputés chez les gens et les gens croient le bien en eux, il n'y a aucun mal à citer leur nom et à avertir contre eux. Ça, ce sont les paroles de son éminence Al-Fawzan, hamidallahu ta'ala. ويقول والعلماء بحثوا في علم الجرح والتعديل فذكروا الرواة وما يقال فيهم من القوادح لا من أجل أشخاصهم وإنما من أجل نصيحة الأمة أن تتلقى عنهم أشياء فيها تجن على الدين أو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلي حفظه الله تعالى. Les hommes de science ont fait des recherches dans la science de la réfutation et de l'éloge. Et ils ont cité les transmetteurs de hadith avec leurs défauts. Ils les ont cités avec ce qui a été rapporté sur eux comme défaut. Non pas pour leur personne, mais pour conseiller la communauté, pour que la communauté n'apprend pas de certaines choses qui sont un crime contre eux. La religion et un mensonge sur le messager alayhi salatu wassalam. فيقول حفظه الله فالقاعدة أولا أن ينبى على الخطأ ولا يذكر صاحبه إذا كان يترتب على ذكره مضرة أو ليس لذكره فائدة. Il dit, la règle en premier, c'est d'attirer l'attention sur l'erreur. Et on cite pas la personne qui est dans l'erreur. Mais s'il en découle un mal, le fait de le citer, il en découle un mal, on ne le cite pas. Et s'il n'y a aucun intérêt à le citer, on ne le cite pas. يقول أما إذا اقتضى الأمر أن يصرح باسمه لتحذير الناس منه فهذا من النصيحة لله وكتاب الله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم خصوصا إذا كان له نشاط بين الناس ويحسنون الظن به ويقتنون أشرطته وكتبه لا بد من بيان وتحذير الناس منه لأن في السكوت ضررا على الناس فلا بد من كشفه لا من أجل التجريح أو التشفي وإنما من أجل النصيحة لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Il dit, حفظه الله تعالى, mais quand la situation implique qu'en prononce son nom pour avertir les gens contre lui, ceci fait partie du conseil pour Allah, pour le livre d'Allah, pour le messager d'Allah, pour les imams, les hommes de science et les gouverneurs des musulmans. Et pour le commun des musulmans en particulier, c'est cet homme, il a une grande activité entre les gens, et les gens croient le bien en lui, et ils achètent ses livres et ses audios, et il est obligatoire d'avertir, d'éclairer les gens et d'avertir les gens contre lui. Car dans le fait de s'étirer sur lui, il y a un grand mal pour les gens. Et donc il est obligatoire de les dévoiler, de le dévoiler. Non pas pour la simple réfutation et pour le rabaisser ou le prendre en risée. Mais le but, c'est conseiller pour Allah, pour le livre d'Allah, pour le messager d'Allah, pour les hommes de science et les gouverneurs des musulmans et pour le commun des musulmans. Et ici s'arrête la parole de Cheikh Al-Fawzan qui se trouve dans son recueil de fatawa. Et de là, partant de là, frère en Allah Azza wa Jal, tu vois que cette réplique de son éminent Cheikh Ubayd, Hafidhahullah Ta'ala, Cheikh Al-Ruhayli, il est à sa place. Et s'il a cité son nom, c'est parce que beaucoup suivent cet homme et gobent ce qu'il dit. Et c'est pour ça que nous retournons à la réplique de son éminence, Hafidhahullah Ta'ala, là on s'est arrêté il y a une semaine. Yaqulu Hafidhahullah al-ibaratu thaniya, qawlu al-doktor Ibrahim al-Ruhayli waffaquhu Allah, wa lihada lamma khalafa murji'atu al-fuqaha a asla ahli sunnati fi bab al-iman wa waffaquhu al-murji'ata ma badda'uhum wa akhrajuhum min ahli sunna. وإنما قالوا مرجئة أهل السنة يعني هم من أهل السنة وهم على السنة لكنهم وافقوا المرجئة في قولهم. Et la troisième expression qui tombe sur la critique de son éminent Cheikh Ubayd, c'est contre docteur Ibrahim Ruhayli, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'oriente et l'accomplisse, comme il dit Cheikh ici. C'est la parole du docteur Ibrahim Ruhali où il dit « Contre les Murji'ah, les jurisconsultes des Murji'ah sont tombés dans une divergence, dans l'un des fondements des gens de la Sunna en ce qui concerne la foi, et ils ont concordé avec le Murji'ah. Les gens de la Sunna ne les ont pas rendus innovateurs, ils les ont pas sortis de la Sunna. » Mais ils ont dit Murji'atu ahli sunna, les murji'a des gens de la sunna. Wa innama qalu murji'atu ahli sunna, yani hum min ahli sunna. Ils ont dit tout simplement les murji'a des gens de la sunna. Ça veut dire qu'ils font partie des gens de la sunna et qu'ils sont sur la sunna, mais ils ont concordé avec le murji'a dans leurs paroles. Wa innama qalu مرجئة أهل السنة يعني هم من أهل السنة وهم على السنة لكنهم وافقوا المرجئة في قولهم. وقال في موطن آخر وأما الطعن في الإمام أبي حنيفة أو تبديعه أو إخراجه من السنة بهذا فلم يقل بهذا أحد من أهل العلم وإنما هو قول أخطأ فيه كما أن غيره من أهل العلم أخطأ في مسائل أخرى وفي جزئيات أخرى ولهذا يسميهم العلماء مرجئة أهل السنة مرجئة الفقهاء. Et il a dit dans un autre endroit, c'est-à-dire Cheikh Ruhayli toujours, quand le fait de critiquer, de dénigrer l'imam Abi Hanifa ou de le rendre innovateur ou de le sortir de la sunna, il a dit personne parmi les hommes de science ne l'a fait et ne l'a dit. Mais c'est une erreur dans laquelle est tombé l'imam Abu Hanifa, comme d'autres sont tombés dans d'autres erreurs, dans d'autres sujets et dans d'autres parties de la science. C'est pour ça que les hommes de science les appellent Murji'atu Ahli Sunna, Murji'atu Al-Fuqaha, les jurisconsultes Murji'a ou là les Murji'a d'Ahli Sunna. Yaqul Cheikh Ubayd. وأقول محصل العبارتين فيما يأتي. Il dit Cheikh Ubayd pour la critique, il dit le résultat des deux expressions, il arrive ainsi. أولا وصف مرجئة الفقهاء وهم الذين يحدون الإيمان بأنه القول والاعتقاد بمرجئة أهل السنة وأكده بقول يعني هم من أهل السنة. Il dit premièrement, le cas de critique de cette phrase, de cette expression, c'est qu'il a décrit les murji'a avec le terme, cette catégorie de murji'a avec le terme les jurisconsultes des murji'a. Et ceux-là, ce sont ceux qui disent, concernant, qui donnent la définition de la foi, mais tout simplement c'est les croyances et la parole. Ceux dont, qui limitent la foi à la parole et aux croyances. Et il les a appelés, et Dr. Ruhaili les a appelés, Murji'at Ahl al-Sunnah. Et il l'a confirmé avec sa parole qu'ils sont, qu'ils font partie des gens de la Sunnah. Ça, premièrement. وَتَانِيًا أَنَّهُ لَمْ يُبَدِّعُهُمْ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ. Et deuxièmement, il a avancé comme quoi aucun imam ne les a rendus innovateurs. Ça, c'est les deux points qui concerne cette expression, les deux points sur lesquels va tomber la critique de son éminent Cheikh Ubayd. Yaqul, Cheikh Ubayd, wa nahnu naqulu awwalan, hal anta muta'akkidun mimma taqulu ya Cheikh Ibrahim, am kana minka dhannan wa hadasan, fa wasfuka murji'atul fuqaha bi murji'ati ahli sunnah, lam na'lam hatta as-sa'ata man sabaqaka ila dhalika min a'immati as-salaf. وإنما قال هذا القول فيما وقفنا عليه الشهر الثاني والرجل مخلط أشعري ومتخصص في العقيدة مثلك لا يصلح عمدة له في هذا الباب. Il dit حفظه الله تعالى. Et nous disons premièrement, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis à Cheikh Ibrahim? Ou ceci, c'est ce que tu crois? Ou c'est ton sixième sens? Le fait que tu décrives les jurisconsultes des Murji'a en étant comme quoi ils sont les murji'a d'Ahl Sunnah, nous ne connaissons personne jusqu'à cette heure-ci, quelqu'un parmi les grands imams d'Ahl Salaf qui l'a fait avant toi. Mais celui qui l'a dit, celui dont on connaît la parole, et celui sur le, auquel on a lu sa parole, c'est Shahrostani, et l'homme, il est mélangé, c'est un Ash'arit qui mélange tout, et un spécialiste, c'est-à-dire toi, Cheikh Ibrahim, tu es spécialiste dans l'aqidah, Shahrustani, c'est pas bon pour toi comme preuve. Tu dois pas t'appuyer dessus à ce niveau-là. يقول وثانيا ما افادت عبارتك انه لم يبدعهم احد من الامه مجازفه منك ومخاطره لا سيما وانك متخصص وأستاذ في العقيدة بالجامعة الإسلامية حرسها الله، لأنه في الغاية من التدليس والتلبيس، وكنا نبرأ بك عن ذلك. Et deuxièmement, le résultat de ton expression, comme quoi personne ne les a rendus innovateurs parmi les imams d'Al Salaf, ceci, t'as été trop loin. Et c'est très dangereux de ta part, surtout que tu étais un spécialiste. Tu es un spécialiste et tu es professeur du dogme à l'université islamique, Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Mais c'est le summum du déguisement de la situation. Et nous aurions aimé te voir au-dessus de ça. يقول حفظه الله ومتع به ونحن نجلي هذه المسألة ونزيل عنها اللبس بنقول عن بعض الأئمة في الحكم على تلك الفرقة التي حكمت عليها بأنهم مرجئة أهل السنة. Il dit maintenant nous allons éclairer la situation et enlever le déguisement du fait que tu dis que sur le jugement des imams concernant ce groupe que tu as considéré comme étant les murji'a d'Ahl Sunnah. يقول روى عبد الله بن احمد في السنه في المجلد الاول في الصفحه 190 قال حدثني ابي حدثنا أسود بن عامر قال سمعت أبا بكر بن عياش ذكر أبا حنيفة وأصحابه الذين يخاصمون فقال كان مغيرة يقول والله الذي لا إله إلا هو لأنا أخوف على الدين منهم من الفساق وحلف الأعمش قال والله الذي لا إله إلا هو ما أعرف منه من هو شر منهم قيل لأبي بكر يعني المرجئة قال المرجئة وغير المرجئة إيدي عبد الله الفيس دو الإمام أحمد dans le livre de Sunna, le tome 1, page 190, il a dit « Mon père m'a dit que l'Aswad ibn Amir a dit, leur a dit qu'il a entendu Abu Bakr ibn Ayyash citer Abu Hanifa et les compagnons d'Abu Hanifa qui polémiquent hein, et qui litigent. Et il a dit « Le Mughira disait par Allah qui est le seul digne d'être adoré, j'ai plus peur d'eux pour la religion que des pervers. J'ai plus peur d'eux pour la religion que les pervers. » Il a fait le serment. Et il a dit, Wallahi, hein, qui est le seul digne d'être adoré, je ne connais pas pire que, et on a dit à Abi Bakr, il veut dire le Mourji'a, et il a dit le Mourji'a et les autres, et autres que le Mourji'a. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد العاشر الصفحة 748 بعد ذكره أصلا فاسدا في تعريف الإيمان وقال وهذا أصل فاسد في الشرع والعقل حتى إن الأئمة كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم كفروا من قال في الإيمان بهذا القول بخلاف المرجئة من الفقهاء الذين يقولون هو تصديق القلب واللسان فإن هؤلاء لم يكفرهم أحد من الأئمة وإنما بدعوهم Et Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayh, dans le recueil des fatawa, le tome 10, page 748, après avoir cité un mauvais fondement dans la définition de la foi, il a dit ce fondement est mauvais dans la législation et aussi au niveau de la raison, jusqu'à tel point que les imams, c'est-à-dire les imams de la science parmi les salaf, comme Waqi ibn Jarrah, et Ahmed ibn Hanbal, et Abi Ubaid et d'autres, ont rendu mécréants ceux qui donnent cette définition à la foi. Contrairement aux jurisconsultes parmi le Mourji'a, qui disent la foi c'est de prendre comme véridique, c'est le fait d'avoir pris comme véridique dans son cœur et avec la langue. Elle dit cela, les hommes de science ne les ont pas rendus, aucun imam les a rendus mécréants, mais ils ont décrété leur innovation. Yaqoul. وإن احتج محتج في الدفاع عن هذا القول قائلا لماذا تنقذ هذه العبارة مرجئة أهل السنة وقد قالها من قالها من أهل العلم الكبار الشيخ عبيد دودير ici quelqu'un vient pour polémiquer pour amener une preuve pour défendre cette parole. Et pourquoi vous critiquez cette expression مرجئة أهل السنة alors que certains grands hommes de science l'ont dit? يقول فالجواب يتوجه إليك يا هذا عدة أسئلة أولا هل سبق إلى هذا القول من ذكرت أحد من أئمة السلف في القرون المفضلة Et la réponse de Cheikh Obadi lui dit on te pose un certain nombre de questions concernant ce que tu viens d'avancer. D'abord, premièrement, est-ce que cette parole que tu as citée, un des imams parmi salaf, dont les générations qui ont reçu l'éloge d'Allah et l'éloge du messager, l'ont dite? Quelqu'un parmi eux l'a dite. فَقِنْ قُلْتَ نَعَمْ وَجَبَ عَلَيْكَ الدَّلِيلِ وَإِنْ قُلْتَ لَا وَافَقْتَنَا فِي النَّقْدِ شِئْتَ أَمْ أَبَيْتَ. Il a dit, si maintenant tu dis oui, il y a un des imams qui l'a dit, Il faut que tu ramènes tes preuves. Il faut ramener les preuves. Et si tu dis non, il n'y a personne, donc tu es d'accord avec nous. Et tu es d'accord avec la critique, que tu le veuilles ou non. وَتَانِيًا هَلْ تَرَى الْإِرْجَاءَ بِدْعَةً أَوْ سُنَّةً. Et deuxièmement, est-ce que tu vois l'irja une bid'a ou une sunna? فَإِنْ قُلْتَ بِالْأَوَّلْ كُنْتَ مَعِي وَوَجَبَ عَلَيْكَ التَّسْلِيمُ لِلنَّقْدِ وَإِنْ قُلْتَ بِالتَّانِ خَالَفْتَ إِجْمَاعَ السَّلَفِ مِنْ أَئِمَّةِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالْإِيمَانِ. Ici, tu prends la première, c'est-à-dire que l'irja fait partie des innovations, donc tu es avec moi. Et il est obligatoire pour toi que tu te soumettes à la critique. Mais si tu dis que ça fait partie de la sunna, dans ces cas-là, tu es en divergence avec le consensus des salafs parmi les imams de la science et de la religion et de la foi. ويقول الشيخ عبيد وأقول لك أخيرا أما تعلم يا بني أنك بوصفك مرجئة الفقهاء بأنهم مرجئة أهل السنة قد فتحت الباب على مصراعيه أمام كل من يبرر لنحلة ضالة أن يقول على سبيل المثال خوارج أهل السنة جهمية أهل السنة معتزلة أهل السنة وهلم جر. Et je te dis, enfin, ne situe pas mon fils, il parle à Cheikh Rouhaili toujours, hein? ne situe pas mon fils, que quand tu décris les Mourji'a du Fuqaha, ou les jurisconsultes Mourji'a, comme quoi ils sont les Mourji'a d'Ahl Sunna, tu as ouvert une porte. Une grande porte, tu as ouvert une porte énormément devant tout un chacun qui va chercher des excuses pour chaque groupe égaré. Il va dire par exemple les Khawarij d'Ahl Sunnah, les Jahmiyyah d'Ahl Sunnah, les Mu'tazila d'Ahl Sunnah, et les Majarra. Si tu t'es éveillé, si tu t'es éveillé un petit peu, العبارة الرابعة لكاتخيام إكسبرسيون قال الدكتور إبراهيم الرحيلي فهذا الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله وهو صاحب سنة وعلم وفضل لا يتنازع في ذلك اثنان ممن عرفوه وعرفوا جهوده في خدمة السنة ألف كتابه المشهور تاريخ الجهمية والمعتزلة ومما جاء فيه قوله رحمه الله بعد إيراد بعض كلام السلف في ذم الجهمية ولا يشك أن مرادهم أولئك الزنادق الملاحدة الذين تستروا بالتجهم أما صالح الجهمية فبمعزل عن هذا الجرح كما لا يخفى إلى آخره. La quatrième expression qui tombe sous la loupe minutieuse de son éminence, Cheikh Ubayd, Hafidahullah Ta'ala, wa matta'abih. Ce qu'a dit le docteur Ibrahim al-Ruhayli, il a dit, ça c'est Cheikh Jamaluddin al-Qasimi, qu'Allah le couvre de sa sainte miséricorde, et c'est un homme de science, de vertu et de sunna. Deux nœuds, ne se battent pas sur le fait, deux ne vont pas litiger parmi ceux, deux parmi ceux qui l'ont connu et qui ont su ses efforts à qui l'a aimé pour travailler la sunna, vont pas avoir de litige sur le fait comme quoi c'est un homme de science, un homme de vertu, un homme de la sunna, et qu'il a travaillé la sunna. Il a écrit son livre réputé qui s'appelle l'histoire du Jahmite et du Mu'tazila. Et ce qui a apporté dans ce livre, sa parole où il a dit que Allah le couvre de ses saintes miséricordes, après avoir cité certaines paroles des salafs dont le blâme du Jahmite, il dit... Et la parole est à Cheikh Jamal Dil Qasimi, que c'est Cheikh Dr. Ibrahim Rouhalmi. Il n'y a aucun doute que leur but, c'était Zanadiqa, les hypocrites parmi les athées, qui se cassaient derrière le Tajahoum. Quant aux vertus du Jahmite, ils sont loin de cette critique. Ils sont loin, comme tout le monde le sait, de cette critique, etc. Il y a الشيخ عبيد وأقول متوجها إلى من كان له قلب والقسم وهو شهيد إلى كل قارئ يحسن النظر في الألفاظ ويدرك دلالتها تمام الإدراك قولوا للقراء الكرام هاكم جملة من عبارات القاسم من تاريخ الجمع الجهمية طبعت مؤسسة الرسالة طبع سنة 1399 للهجرة. الشيخ عبيد va faire ses recherches dans le livre de القاسمي l'histoire du Jahmiyya du Mu'tazila. Il dit حفظ الله تعالى voici maintenant je m'oriente vers tout un chacun qui a un cœur et dont lui est bien ouverte et il est présent d'esprit et il est présent avec son esprit. Il y a tout lecteur qui sait lire, qui sait jeter le regard sur les expressions et qui capte les preuves des expressions et leur signification d'une façon complète. Je dis aux nobles lecteurs, voici un certain nombre d'expressions de Al-Qasimi dans son livre « L'histoire du Jahmite », l'édition de Mu'assasat al-Risala qui a été édité en 1399 de l'Hégire. « Qala Al-Qasimi » Tout ça pour te montrer que Al-Qasimi était de l'autre côté et qu'il était loin d'être un homme de la sunna, etc., comme le présente Dr. Ruhaili. « قال القاسمي صفحة 16 ومن تأمل ما قص يعلم أن قتل الجهم إنما كان لأمر سياسي لا ديني » Il قاسمي de dire à la page 16 « Celui qui médite ce qui a été rapporté, il sait que le fait, le Jahm ibn Safwan n'a pas été tué pour quelque chose de religieux, mais pour une question politique. » وقال صفحة 16 أيضا هذا مجمل ما رواه التقاد في سبب مقتل جهم ومخدومة الحارث وبه يعلم ما كان عليه من الحرص على إقامة أحكام الكتاب والسنة وجعل الأمر شورى وإباء الانغماس في إمرة الظالمين ورفض اعتياتهم واعتياتهم والعمل لهم إلى دي دون لا ميم باج لا باج 16 دون لو ميم ليف اي فوسي لونسومبل ce qui a été rapporté par les dînes dans la cause de la mort de l'Jahm et de Mkhdoumat al-Harith. Il dit, partant de là, on sait comment, c'est-à-dire en parlant de l'Jahm, Mkhdoumat al-Harith, comme quoi il tenait à l'accomplissement des lois du livre d'Allah et de la Sunna, et que le gouvernorat doit être une shura, ils ont refusé d'être sous la tutelle de gouverneurs injustes, ils ont refusé les donations de ces gouverneurs et de travailler avec ces gouverneurs. وقال صفحة 17 وجهم كان داعية للكتاب والسنة ناقما على من انحرف عنهما مجتهدا في أبواب مسائل الصفات. الجهم إلى دي على page 17 الجهم بن صفوان était quelqu'un qui prêche le livre et la sunna et il avait la haine contre tous ceux qui ont dévié du livre et de la sunna et il était un homme digne de l'effort en ce qui concerne le chapitre et le sujet des attributs. وقال صفحة 77 بيان أن الجهمية والمعتزلة لهم مال المجتهدين ثم قال وكيف لا تكون من المجتهدين وهي تستدل وتحكم وتبرهن وتقضي وتجادل خصومها بمآخذها. Et à la page 77 de son livre, il a dit, pour montrer que le Jahmiya et le Mu'tazila font partie de ceux qui sont dignes de l'effort d'interprétation, il a dit, comment ils ne peuvent pas être parmi ceux qui sont dignes de l'effort de l'interprétation, alors qu'ils ramènent des preuves pour combattre ceux qui polémiquent avec eux. Ils ramènent des preuves pour polémiquer et pour combattre leurs adversaires et pour rejeter leurs erreurs. Et ils partent de là des erreurs de leurs ennemis. وقال في الصفحة 79 نعم كان بعض السلف سلق بعض متقدم الجهمية والقدرية بألسنة حداد ورموهم بما هم براء منه وكان ذلك في أيام ضعفهم وقلتهم. Et à la page 79 de son livre, il dit, certes, certains parmi salaf ont été durs avec les premiers Jahmites et les Qadarites. Ils ont été durs, ils avaient des longues épées contre eux. Ils les ont décrit des choses desquelles ils sont innocents. À cette époque, ils étaient dans leur faiblesse, ils étaient peu nombreux. Ils parlent du Jahmite et des Qadarites. Ainsi, le Qasimi parle de ces sectes égarées. Hein? Et comment on les présente? Et Dr Ibrahim al-Ruhaili le prend comme référence. Écoutez maintenant la critique de Cheikh Ubaid, Hafidahullah. أيها القارئ الفطن الكيس اللبيب من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ومن تدرك دلالة الألفاظ. أولا، هل تصدر هذه العبارات من صاحب سنة وله علم وفضلا لا يتنازع في ذلك اثنين ممن عرفوه وعرفوا جهوده في خدمة السنة؟ Il dit: où tu vois le lecteur qui doué de raison, qui a une raison saine, toi qui as un cœur présent et qui entend et qui est présent d'esprit, est-ce que toi qui comprends la signification des expressions, premièrement, est-ce que ces expressions vont émaner d'un homme de la sunna, qui a la science, qui a des vertus, hein, sur lequel deux ne vont pas se combattre et litiger comme quoi il a des efforts dans la sunna. على حقيق حقائقها توجه إليك بهذه الأسئلة. Sur cette réalité, je te pose ces questions. ما ظنك إلا توافقني على أنها لا تصدر إلا من جاهل أو مبتدع ضال مضل وكلا الرجلين وإن أصاب سنة فلا يستحق هذا التناء من الأخ إبراهيم عفى الله عنا وعن. Il dit, Hafidahullah Ta'ala, je crois que tu vas concorder avec moi que ce genre de paroles qu'il vient de nous citer, les paroles de Qasimi, ne peuvent émaner d'un ignorant ou d'un innovateur égaré, égareur. Et les deux hommes, même s'ils sont tombés sur la sunna, ils ne méritent pas les éloges que leur a fait le frère Ibrahim, qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala lui pardonne et nous pardonne. ثانيا هل كل من له جهود انتفع بها أهل السنة فيه من التبعة من ركوب البدع والتناء على أهلها كما صنع القاسمي وزعم أخونا إبراهيم أنه مجتهد. Deuxièmement, est-ce que tout un chacun qui a eu des efforts ou des écrits ou des recherches qui ont été bénéfiques aux gens de la sunna, ceci va faire de lui quelqu'un qui ne peut pas être critiqué, quelqu'un qui, hein, ça va lui permettre de faire des innovations sans qu'il soit critiqué, et qu'on lui fait des éloges, hein, comme il a fait le Qasimi, hein, il est tombé dans cette innovation, et il a fait les éloges à qui? Aux grands innovateurs qui sont les Jahmites et les Mu'tazila. Et il dit, notre frère Ibrahim prétend que c'est un mujtahid. Notre frère Ibrahim prétend, c'est-à-dire le docteur Ibrahim Ruhaili, prétend que le Qasimi est un homme digne de l'effort. Donc c'est pas parce que quelqu'un, il a émis des efforts dans la sunna, et que certains de ses recherches sont bénéfiques aux gens de la sunna, qu'il peut faire les éloges aux gens de l'innovation et qu'il doit être laissé comme ça. Et que ça va être un mujtahid digne de l'effort d'interprétation, comme a prétendu Ibrahim al-Ruhaili pour le Qasimi. Thalitan, man sabaq al-Qasimi ila al-tafriq bayn al-Jahmiyya, wa anna minhum salihun wa minhum zadadiqa. Et troisièmement, qui a devancé, qui était l'imam qui a été en premier à diviser les Jahmites en vertueux et zadadiqa, hypocrites. فإن كنت في شك أيها القارئ أو تميل إلى تفريق القاسمي فهناك قولين لعالمين مشهود لهما بالإمامة في الدين وهما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه شيخ الإسلام ابن القيم رحم الله الجميع. Et si tu as un doute, toi le lecteur, ou tu penches vers les paroles du Qasimi, il y a deux paroles de deux grands emblèmes vis-à-vis duquel On a attesté l'imama dans la religion et dans la science, qui sont Cheikh l'Islam, le Taymiyyah, et son élève, Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa sainte miséricorde. قال شيخ الإسلام فلهذا كان السلف والأئمة مطبقين على تكفير الجهمية حين كان ظهور مخالفتهم للرسول صلى الله عليه وسلم مشهورا معلوما بالاضطرار لعموم المسلمين بيان تلبيس الجهمية المجلد الثاني الصفحة 73 إيه شيخ الإسلام de dire c'est pour ça que les salaf et les imams étaient à l'unanimité sûr. Ils étaient tous unanimes, unis, dans le fait de rendre mécréants les jahmites, quand leur divergence avec le messager d'Allah était apparente et réputée, connue même par le commun des musulmans. Et ceci est rapporté dans Talbis al-Jamia, le tome 2, à la page 73 de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. وقال ابن القيم رحمه الله ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان واللالكاء الإمام حكى عنهم بل حكاه قبله الطبراني إيه ابن القيم رحمه الله il dit que 50 multiplié par 10 parmi les hommes de science dans les différents pays ont décrété leur mécréance. 50 multiplié par 10, ça fait combien à l'islam? Illa laka il imam a rapporté tout ceci, hein, a rapporté ce qu'ont décrété ces grands imams et ces 500 imams. Et avant lui, il l'avait rapporté aussi Tabarani, rahimallahu a'immat al-muslimin. يقول الشيخ عبيد حفظه الله ومتع به فبان لك بهذا النقل أيها القارئ أولا أنه لا وجه لتقسيم القاسم الجهمية إلى زنادق وصالحين et الشيخ عبيد de nous dire maintenant toi le lecteur il t'apparaît clairement premièrement que la division qu'avait le Qasimi n'a pas à avoir lieu les jahmites zanadika et les jahmites vertueux. وثانيا أنه بهذا التفريق مع ثنائي على الجهمية والمعتزلة ووصفهم أنهم مجتهدون مخالفة صريحة لإجماع أئمة العلم والدين على كفر الجهمية. Et deuxièmement, avec cette définition, plus les éloges qu'il a fait aux Jahmites et aux Mu'tazila, en les décrivant comme quoi ils sont dignes de l'effort de l'interprétation, ceci est une divergence claire et nette avec le consensus des imams de la science et de la religion qui ont décrété la mécréance des Jahmites. يقول الشيخ عبيد حفظه الله ثم قول أخينا الشيخ إبراهيم والمقصود التمثيل لهذه الصورة وأنه قد يوجد في أهل السنة من يخفى عليه أمر الجهمية فيقول ما قال فينتفع بعلمه ويجتنب زلته. Et il dit, quant à la parole de notre frère, Cheikh Ibrahim, et le but, c'est de donner un exemple à cette image. Il peut y avoir, parmi les gens de la Sunna, qui ne connaît pas la situation du Jahmite, et il dit, il va prononcer leur parole. Et donc, on profite de sa science, et on évite son erreur. يقول الشيخ عبيد فالجواب عنه من وجهين أولا أن من يخفى عليه أمر الجهمية لا يصلح لتعليم الناس il dit حفظه الله تعالى dans sa réponse je réponds par deux points premièrement celui qui ne connaît pas la situation du jahmite il n'est pas bon pour enseigner aux gens celui qui ne connaît pas la situation du jahmite il n'est pas bon pour enseigner aux gens فنقول له هات لنا علما من أعلام السنة أو طالب علم تتلمذ عليهم يخفى عليه أمر الجهمية حتى يسلك مسلك القاسمي. Et nous disons, c'est-à-dire à Cheikh Ibrahim Rouhali, donne-nous un des emblèmes de la Sunna parmi les hommes de science, ou un de ses élèves qui a étudié chez lui, qui ne connaît pas la situation du jahmite, pour qu'il puisse prendre la voie du Qasimi. ثانيا أن من لم يبدع الجهمية هو أحد رجلين ولا ثالث لهما رجل جاهل أو من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق ورجل صاحب هوى ضال مضل جاد السعي في حرف الناس عن السنة ونهج السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن ومن سلك سبيلهم من أهل القرون المفضلة الثلاثة Et il dit, Hafidah Allah Ta'ala, deuxièmement, celui qui ne rend pas innovateur, les jahmites. Il est un des deux hommes, il n'y a pas un troisième. Il est l'un des deux hommes. C'est un ignorant, ou alors il fait partie de ceux communs qui suivent tout un haut-parleur, qui suivent les haut-parleurs. Ou alors c'est un homme de l'innovation, hein, qui est égaré, égareur, et qui fait tous ses efforts pour dévier les gens de la sunna, de la voie de leur plus aïeul, qui est la voie des nobles compagnons, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, et ceux qui suivent leur chemin, parmi les générations qui ont reçu les éloges, les trois générations qui ont reçu les éloges. Ça veut dire que celui qui n'auront pas innovateur, les jahmites, il est l'un des deux hommes. C'est un ignorant fini, qui suit, hein? Ou alors, il fait partie de ceux qui suivent les haut-parleurs, n'importe quel haut-parleur qui parle fort, et ou un homme de qui suit ses passions, qui est un égareur, hein, qui court et qui fait des efforts pour dévier les gens de la sunna et de la voie des puiseurs d'Allah, qui sont les compagnons que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, et ceux qui ont suivi leur voie parmi les générations qui ont reçu l'éloge min Allah azza wa jal. Parmi les trois générations. هذه العبارات الخمس التي نقلناها من كتاب القاسمي تاريخ الجهمية ذلك الكتاب الذي قال عنه الشيخ إبراهيم فيه إشكالات كلها كما رأيت أيها القارئ بواقع وبواطل لا تصدر إلا عن من امتلأ قلبه بغضا لأئمة السنة وانحيازا إلى غيرهم من أهل الكفر والإلحاد يدل لهذا وصفه للجهمية بأنهم مجتهدون مخالفا إجماع الأئمة على كفر الجهمية. Il dit ces cinq expressions que j'ai pris du livre de Qasimi, l'histoire des jahmites, ce livre duquel dit Cheikh Ibrahim qu'il y a des problèmes dans ce livre. Elle dit, comme tu le vois, toi le lecteur, ces cinq expressions, ce ne sont que faux sur faux. Et ce genre d'expressions ne peuvent émaner de quelqu'un dans le cœur que de quelqu'un qui a le cœur plein de haine pour les gens de la sunna. Et qui penche vers les gens de la mécréance. Et prouve ceci, sa description des jahmites, comme quoi ils sont dignes de l'effort d'interprétation. Et là, il tombe dans la divergence avec le consensus des imams sur la mécréance des jahmites. يقول وهاك عبارة أخرى من خارج تاريخ الجهمية وبها نكمل ستا مما أردنا به المثال على عداوة القاسمي للسنة وأهلها. Il dit حفظه الله تعالى. Voici une cinquième expression maintenant. Qui se trouve en dehors de ce livre, l'histoire des jahmites. Et avec ça, on complète la sixième expression que nous avons voulu prendre comme exemple et pour prouver que le Qasimi est un ennemi de la sunna et des gens de la sunna. قال القاسمي فيما نقله عنه ولده في السوانح برقم 12 كما في كتاب جمال الدين القاسمي وعصره صفحة 273 274 لا عبرة برمي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأمثالهما رحمهم الله تعالى بالإلحاد مثل النصير الطوسي وابن عربي وبعض الأشاعرة أو المتأولين لآيات الصفات وآثارها فإن ذلك منه ومن أمثال حمية المذهبية وغيرة على نصرة ما قوي لديه. القاسمي dans ce qui a été rapporté avec son fils dans son livre سوانح numéro 12, dans le livre qui est intitulé « Jamal Din Qasimi, son époque », à la page 273-274, Qasimi de dire « Il ne faut pas prendre en considération ce qu'avait dit Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et leurs similaires, qu'Allah les couvre de ses saintes miséricordes, en traitant de mécréance et de athée Nusayr al-Tusi, Ibn Arabi ». Ibn Arabi, bien sûr, sont l'article divini. Et certains ash'arites, et certains déformateurs et interprétateurs faussement des versets, des attributs de leur influence. Tout ceci de leur part, c'est-à-dire de la part de Cheikh l'Islam, le Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et ceux qui sont sur leur voie, c'est pour défendre leur voie. et pour faire triompher la voie sur laquelle ils étaient. Yaqul, et la voie sur laquelle était forte chez eux. Yaqul, et pour eux. وقد عهد في العالم الغيور الذي لا يتسع صدره لخلاف الخصم أن يحمل عليه أمثال هذا وأعظم وإلا فالنصير قد علم أن له مؤلفات في فن الكلام خدمت وشرحت وكلها مما يبرئه عن الإلحاد والزندقة ودعوى أنه كان محرضا هلاك على قتل العلماء دعوى من لم يعرف سنة الملوك والمتغلبين المندفعين على البلاد للأسر والقتل وأين نصير الدين من هلاك حتى يكون مستشاره في القتل والسفك وعقيدته ومشربه وترجمته المحفوظة تبرئه من مثل ذلك il dit il a été connu des hommes de science qui sont jaloux qui n'ont pas la poitrine large pour la divergence de l'adversaire, de l'attaquer. Hein? De l'attaquer. D'attaquer Al-Nusayr et les similaires à Al-Nusayr. Et il a été connu de Al-Nusayr Tosé à partir de ses livres qui concernent la science de la spéculation. Et ses livres ont été interprétés Et tous ces livres prouvent comme quoi il est loin de l'hypocrisie, de l'athéisme. Et le fait de prétendre que c'est lui qui excitait Olako, le Tatar, à tuer les hommes de science de la Sunna, ce c'est une prétention de celui qui ne connaît pas la voix des rois qui viennent et qui prennent le pouvoir par l'épée et qui sont forts quand ils s'accaparent d'un pays. Comment ils emprisonnent, comment ils tuent et comment Nusayr ad-Din. Il est loin d'être à côté de Hulako. Il est loin de Hulako. Comment il peut être son conseiller dans les assassinats et dans le fait de coller le sang. Alors que ses croyances, c'est-à-dire de Nusayr ad-Tusi, ses croyances et sa biographie sont préservées et il est innocent de tout ça. Et rappelez-vous, Ikhwat al-Islam, j'avais fait un cours là-dessus, et Nusayr ad-Tusi, c'est lui qui a fait triompher les Tatars et qui les a excités et a excité les commandos Hada Hulako contre les musulmans et à la destruction de Bagdad et autres, et beaucoup d'assassinats à l'islam. Ibn Arabi, haqqul bahit ma'ahu al-munkar, le munkar alayh, an. ينكر عليه موضعا لا يحتمل التأويل ويقول ظاهره إلحاد إلا أن الرجل له عقيدة نشرها أولا ومذهب في الفقه حسن فمثله لا يسوغ رميه بالإلحاد وحينئذ فيقال كلامه مشكل إلا أن عقيدته صحيحة فالأولى الإعراض عن المشكلات من كلامه وعدم مطالعتها إذ لعل لها معاني عنده وأمثال هذا مما يخفف من الرمي والإلحاد فافهم Et il dit concernant Ibn Arabi, Ibn Arabi, qui c'est Ibn Arabi dans la mécréance? Ibn Arabi dont le nom se crie à l'indéfini, sans l'article. Il dit, le droit de celui qui fait des recherches, c'est de blâmer certaines choses et certains points, hein, qui ne peuvent pas être interprétés, qu'on n'a pas le droit d'interpréter faussement. De les blâmer, mais de dire, et de dire que ces paroles, cette fausse interprétation, d'Ibn Arabi, c'est l'athéisme, son apparence, c'est l'athéisme et la mécréance. Car l'homme, en parlant d'Ibn Arabi, il a une aqida qu'il a propagée, il a une école de jurisprudence dans le fiqh qui est bonne. Et son exemple n'a pas le droit, il n'est pas permis de dire qu'il est mécréant et qu'il est athée. Et dans ces cas-là, on doit dire que dans ces paroles, il y a des problèmes, il y a des problématiques dans ces paroles, sauf que ces croyances sont authentiques. Et donc, ce qui est demandé, c'est de s'y tourner des problématiques qu'il y a dans ces paroles et de ne pas les lire. Peut-être que ces paroles ont une signification chez Ibn Arabi. Et ceci peut alléger la situation au lieu de le traiter de mécréant et de dire qu'il est athée et de d'émettre la sentence de athéisme, etc. Il dit le Cheikh Obaïd, قلت ما أكثر النكارات في هذه العبارة، بل كلها نكارات وحمل على شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إد حكم على ابن عربي والطوسي بالإلحاد. نذكر لك أيها المسلم الغير على دينه بعضها إحداها تصحيح عقيدة ابن عربي، والمعروف والمقطوع به لدى المحققين أن الرجل من أئمة عقيدة وحدة الوجود. Il dit, une autre minence, Cheikh Obeid, dans sa critique minutieuse, il dit, combien de blâmable il y a dans cette expression. Toutes ces expressions, c'est du blâmable. En plus, c'est une attaque à Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, et à son élève, Ibn al-Qayyim. Et car ils ont décrété que Ibn Arabi et Tosi sont athées. Ils ont décrété leur mécréance. Il dit, je te cite, ou toi les musulmans qui jaloux pour ta religion. Je cite certains points. Il dit, c'est-à-dire en parlant de Qasimi, qu'il a authentifié, il a rendu authentique la aqida de Ibn Arabi qui est connue irréfutablement chez les authentificateurs, comme quoi c'est un imam de la croyance de l'unicité de l'existence. C'est un des imams de cette aqida, l'unicité de l'existence. Allah et ses créatures sont identiques, sont une seule chose. Il Qasimi, il le défend. Et il attaque Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et en plus de ça, Ibrahim, pourquoi Cheikh Obeid nous a cité ces paroles de Qasimi? Parce que Ibrahim Rouhali, il fait référence. Il dit que c'est un homme de science. Et qu'il est connu par ses vertus, etc. etc. Il lui fait des éloges. ثانيتها رميه الشيخين بأن حكمهما على ابن عربي والطوسي حمية مذهبية. Deuxièmement, c'est que le Qasimi a dit de la sentence de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, et aussi de la sentence de Ibn al-Qayyim concernant Ibn Arabi et Tosi, que ceux-ci l'ont fait pour défendre leur école de jurisprudence et leur voie. ثالثها دفاعه القوي عن الطوسي وتبرئته إياه حيث قال ودعوى أنه كان محرضا هلاك على قتل العلماء دعوى من لم يعرف سنة الملوك المتغلبين المندفعين على البلاد للأسر والقتل وإن نصير الدين من هلاك حتى يكون مستشاره في القتل والسفك وعقيدته ومشربه وترجمته المحفوظة تبرئه من مثل ذلك. يلدي حفظه الله تعالى. Troisièmement, c'est sa défense. C'est-à-dire, Cheikh Obeid, il dit que le Qasimi défend fortement Tosi. Il est naissant de ce qu'il a fait. Et au moment, à quel moment il le défend? Hein? Il dit, qu'on prétend qu'il poussait Olako, le Tatar, à tuer les hommes de science. Et qu'on prétend, cela ne peut venir que de quelqu'un qui ne connaît pas la voie des rois, qui ont pris le pouvoir avec l'épée, et qui s'accapare d'un pays. Qu'est-ce qu'ils font comme prisonniers? Comment ils tuent? Et où est le Nusayr de Hulako pour qu'il soit son conseiller dans les assassinats et dans la tuerie et dans le fait de faire couler le sang, alors que ses croyances et sa biographie qui sont préservées l'innocent de tout ça? يقول الشيخ عبيد وهذا خلاف ما أجمع عليه المؤرخون من المسلمين وقال به غيرهم. Et ça, c'est le contraire de l'unanimité sur laquelle étaient les historiens musulmans. Et d'autres qui ne sont pas musulmans l'ont dit aussi. C'est-à-dire que Tosé était un grand élément dans la fitna qu'il y a eu et dans la destruction de Bagdad et dans le fait que les Tatars se sont accaparés des pays de l'islam à cette époque. Ils ont fait leur tuerie et qu'il était l'un des excitateurs de Hulako. يقول الشيخ عبيد وأقول يا شيخ إبراهيم ألبست القاسمي توبا فضفاضا من المديح بما أثنيت به عليه من الثناء الجميل ووصفته جازما بهذه الأوصاف صاحب سنة وعلم وفضل لا يتنازع في ذلك اثنان ممن عرفوه وعرفوا جهوده في خدمة السنة. إلدي حفظه الله تعالى. Je te dis, ô Cheikh Ibrahim, tu as couvert le Qasimi de trop d'éloges. Tu l'as couvert, tu l'as décrit de choses et tu es, hein, tu l'as couvert d'une éloge sur laquelle tu es sûr. Et tu l'as décrit de certaines descriptions qu'il ne mérite pas. Tu as dit que c'est un homme de la sunna, de la science et de vertu. Et que deux personnes qui l'ont connu ne peuvent pas litiger là-dessus et sur ses efforts qu'il a rendus à la sunna. يقول الشيخ عبيد وإني متوجه إليك بهذه الأسئلة أولا هل أنت تعرف حال الرجل وتعلمها علم اليقين ثانيا أو أنت قلدت ناقلا واثقا به il dit je te pose maintenant je t'oriente ces questions au Ibrahim al-Ruhayli premièrement est-ce que tu connais la situation de l'homme est-ce que tu as la certitude sur la situation de Qasimi est-ce que tu as une science sûre sur le Qasimi, sur la situation de cet homme. Deuxièmement, ou alors tu as imité quelqu'un qui a copié sur le Qasimi, tu as fait confiance à celui qui a transmis de le Qasimi, ou qui a pris certaines pages, qui a copié certains passages du livre de le Qasimi. Yaqul talitan, أو أنك أخي تظن حال الرجل تخفى على طلاب العلم فضلا عن أهل العلم Ou alors, mon frère, tu crois que la situation de l'homme, c'est-à-dire de Qasimi, il est caché, n'est pas connu aux demandeurs de science? Ou il n'est pas connu chez les hommes de science? يقول العبارة الخامسة قول الدكتور إبراهيم وفقه الله أنا أقول لك لو رجل عنده علم وما بدع الجهم بن صفوان وعنده علم وعنده خير أقول لك عدم تبديعي لجهم بن صفوان تجنب واطلب العلم Et la cinquième expression qui est tombée sous la loupe de son éminence Cheikh Ubayd, il dit La parole de Ibrahim al-Ruhayl, du docteur Ibrahim al-Ruhayl, que Allah subhanahu wa ta'ala oriente vers le bien. Je te dis, c'est-à-dire la parole de Ibrahim al-Ruhayl qui dit, je te dis, si un homme, il a la science, il n'a pas rendu innovateur le Jahm ibn Uswan, et il a de la science, et il a du bien, je te dis, le fait qu'il n'a pas rendu innovateur le Jahm ibn Uswan, évite-le, il demande la science chez lui. يقول الشيخ عبيد حفظه الله وأقول سوغت يا شيخ إبراهيم أخذ العلم عمن لا يمدع الجهم بن صفوان وأكدت هذا بقولك عدم تبديعي لجهم بن صفوان تجنبه واطلب العلم إيه شيخ عبيد دو دير أو شيخ إبراهيم tu as permis de prendre la science, c'est celui qui n'a pas rendu innovateur le Jahm ibn Uswan, et tu l'as confirmé avec ta parole, le fait qu'il n'a pas rendu innovateur le Jahm ibn Uswan, évite-le, il demande la science chez lui. Et évite cette partie-là, il demande la science chez lui. Wa aqulu laka ya Sheikh Ibrahim, awwalan, هل أنت على علم حين تقولت مقالتك هذه وبررت لها باتفاق المسلمين على كفر الجهم؟ كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى المجلد الثاني الصفحة 485 حيث قال رحمه الله لا يعرف في من قتل بسيف الشرع على الزندق أنه قتل ظلما وكان وليا فقد قتل الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيلان القذري ومحمد بن سعيد المصلوب وبشار بن برد الأعمى والسهروردي وأمثال هؤلاء كثير ولم أقل أهل العلم والذين في هؤلاء إنهم قتلوا ظلما وإنهم كانوا من أولياء الله إيه الجي حفظه الله تعالى premièrement on s'adresse au Cheikh Ibrahim Rahmani est-ce que tu avais de la science et tu savais quand tu as dit ta parole celle-ci et tu lui as pris comme preuve et comme excuse l'unanimité du musulman sur la mécréance du Jahm, comme il l'a prononcé, comme il l'a rapporté Cheikh l'Islam, le Taymiyyah, comme Jmou' al-Fatawa, dans Jmou' al-Fatawa, le tome 2, à la page 487-85, au moment où il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde, il n'est pas connu parmi ceux qui ont été tués avec l'épée de la législation sur l'hypocrisie qu'il a été tué injustement ou alors il a été un allié d'Allah الجهم بن صفوان ايتي تيوي انسي كل جعد بن درهم غيلال القذري محمد بن سعيد المصلوبي بشار بن برد الاعمى والسهروردي والاكزامبل لي زيكزامبل دو سولا سون نومبرو اي بيرسون parmi les hommes de science et parmi les gens de la religion ont dit que ceux-là ont été tués injustement ou alors ils étaient des alliés d'Allah. يقول وأقول لك ثانيا هل تظن أن صاحب سنة وعلم لا يبدع الجام؟ Et il lui dit en s'adressant à Ibrahim al-Ruhayli, je te dis deuxièmement, est-ce que tu crois qu'un homme de la sunna et qu'un homme de science et de vertu n'auront pas innovateur le jam? يقول لو كنت يا بني ذا بصر وفقه بأحوال هذا الذي لا يبدع الجهم وامثاله لتبين لك أنه أحد رجلين رجل جاهل أو من الهمج الرعاع أتبع كل ناعق ورجل صاحب هوى مشربه مشرب الجهم وامثاله من أهل الزندقة والإلحاد وسواء كان هذا أو ذاك فتسويغ أخذ العلم عنه غش وخيانة فتفطن. Et il lui dit, ô fiston, si tu avais une clairvoyance, une jurisprudence, une compréhension de la situation de celui qui n'auront pas innovateur l'jam et les similaires de l'jam, il va t'apparaître qu'il est l'un des deux hommes, un ignorant qui suit tout haut-parleur qui parle et tout grand parleur, ou un homme qui suit ses passions et dont les sources ce sont les sourds du Jam et les similaires du Jam, la mécréance et l'hypocrisie, et ce soit celui-là ou l'autre, le fait d'autoriser qu'on prend la science, c'est lui, c'est une trahison. Éveille-toi, c'est une trahison d'orienter les gens à apprendre les sciences, et ceux qui ne rendent pas, innovateur le Jam ibn Sufwan, éveille-toi. يقول وأقول لك ثالثا كنت تخاطب طالب علم مبتدئ كما هو مفهوم من سياق كلامك فكيف تسوغ لمثل هذا أخذ العلم عمن لا يبدع من بدعته مكفرة وهو الجهم فأخشى يا بني أنك من حيث لا تدري وقعت في شراك قاعدة المعدلة والتعاون أو قاعدة كل مجتهد مصيب حتى في الأصول وقيل القاعدتين ضالة مضلة فاجلة أعيذك بالله ونفسي من منهما. Il dit حفظه الله تعالى je te dis troisièmement tu t'adressais à un demandeur de science novice qui vient de commencer d'après le contexte de ta parole il se voit que tu t'adresses à un débutant dans la science comment tu t'es permis à dire à ce genre de débutant de prendre la science chez quelqu'un qui n'auront pas un innovateur dans l'innovation et du domaine de la mécréance qui est Jahm ibn Sufwan qui ne l'auront pas innovateur, comment tu leur permets d'aller apprendre la science sur lui? Il dit j'ai peur pour toi mon fils que de là où tu ne sais pas tu es tombé dans le filet de la règle المعذرة والتعاون le fait de s'excuser et de s'entraider cette règle qui est chez l'Ikhwan on se pardonne sur les choses on s'entraide sur les choses sur lesquelles on est d'accord et on se pardonne sur les choses sur lesquelles on a une divergence ou alors tu es tombé dans cette règle tout homme de l'effort il l'ajuste même dans les fondements tout homme qui est digne de l'effort, il l'a dans le mille, même dans les fondements. Et il dit, toutes les deux règles sont un égarement. Et toutes ces deux règles sont des règles égareuses. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me préserver, de te préserver de ces deux règles. يقول الشيخ عبيد وأقول لك صراحة لو قلت بعض أقوالك الخمسة التي ثبتت لدينا عنك وأمثالها كثير لضللت وما أنا من المهتدين فهل تنبهت إلى ذلك أم كنت تلقي الكلام جزافا بغير روية الشيخ عبيد lui dire clairement je te dis clairement si j'avais prononcé ou dit ces cinq expressions que je viens de citer qui sont confirmés de toi, ils émanent de toi directement, et d'autres similaires à ces expressions, qui sont nombreuses, j'aurais été égaré et je ne serai pas parmi les guidés. Est-ce que tu faisais attention au moment où tu parlais ou l'as juste lancé les paroles comme ça, sans réflexion? يقول الشيخ عبيد فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. Il dit si tu ne savais pas, ça c'est une catastrophe. Mais si tu le sais, la catastrophe est énorme. يقول الشيخ عبيد وأختم هذه المقالة التي ما أردت إلا النصيحة بذكر وصايا عن أئمة السلف مخاطبا كل من خالطت السنة بشاشة قلبه وتمسك بمسلك السلف الصالح وعض عليه بالنواجذ. Il dit حفظه الله تعالى et je conclue cet exposé avec lequel je ne veux lui que le conseil en citant certains conseils des imams, des salaf, et je m'adresse à tout un chacun qui s'est mélangé à la sunna et dont et la sunna s'est mélangée à son cœur et qui se cramponne à la voix des plus aïeuls d'Allah alayhim qui mord dessus avec ses molaires. Al-Oula, qala Omar ibn Abd al-Aziz rahimahullah, la première, Omar ibn Abd al-Aziz a dit كالله لو كفر دو سنت ميزوركم فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا أجري pour toi ce que ces peuples ont agréé pour eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui t'ont devancé parmi les nobles compagnons et ceux qui les suivent à la persécution, ce qu'ils ont agréé pour eux-mêmes, tu dois te l'agréer pour toi-même, car ils étaient sur une science. Car ils se sont, là où ils se sont arrêtés avec science, et ils l'ont fait avec science. وَبِبَصَرِ نَافِدٍ كَفُّ. Et quand ils n'ont pas dit quelque chose, ils se sont arrêtés avec clairvoyance et avec science. وَهُمْ عَلَىٰ كَشْفِ الْأُمُورِ كَانُوا أَقْوَىٰ. Et pour dévoiler les situations, ils étaient très forts, ils avaient les capacités. وَبِفَضْلِ مَا كَانُوا فِيهِ أَوْلَىٰ. فَإِنْ كَانَ الْهُدَىٰ. Et ils avaient les vertus sur la voie sur laquelle ils étaient dans les vertus et ils étaient prioritaires dans les vertus. فَإِنْ كَانَ الْهُدَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَقَدْ سَبَقْتُمُهُمْ إِلَيْهِ وَلَا إِنْ قُلْتُمْ إِنَّمَا حَدَثَ بَعْدَهُمْ مَا أَحْدَثَهُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ وَرَغِبَ بِنَفْسِهِ عَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ هُمُ السَّابِقُونَ. Il dit حفظه الله رحمه الله تعالى وغفر له. L'Huda l'a guidé, c'est la voie sur laquelle ils étaient. Et la voie sur laquelle vous êtes. Ici, l'a guidé, c'est la voie sur laquelle vous êtes, alors vous les avez devancés. Comment le dernier peut devancer le premier? Vous les avez devancés. Et si vous dites ceci est apparu après eux, ceux qui l'ont fait apparaître, ceux qui l'ont innové, n'ont pas suivi leur chemin. Ceux-là se sont détournés de leur chemin et eux ce sont les premiers. فَإِنَّهُمْ هُمُ السَّابِقُونَ فَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ بِمَا يَكْفِي. Ils ont parlé avec des paroles qui sont suffisantes puisqu'ils sont les premiers. وَوَصَفُوا مِنْهُمْ مَا يَشْفِي. Ils ont décrit tout ce qui peut nous assouvir. Ils n'ont pas laissé de place à quelqu'un. فَمَا دُونَهُمْ مُقَصِّرٌ وَمَا فَوْقَهُمْ مِنْ مُحَصِّرٍ. Et en dehors d'eux, il n'y a que les négligés ou ceux qui sont allés à l'extrême. وَقَدْ قَصَّرَ قَوْمٌ دُونَهُمْ فَجَفَوْا. Et certains ont été laxistes. En dehors d'eux, certains ne les ont pas suivis. Ils ont été laxistes, ils sont tombés très bas. وَطَمَحَ عَنْهُمْ أَخْوَامٌ فَغَلَوْا. Et certains voulaient aller plus loin qu'eux, ils sont allés à l'extrême. وَإِنَّهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ الْعَلَىٰ هُدَى الْمُسْتَقِيمِ. Ils sont entre les deux sur la voie droite. C'est-à-dire, le plus et eux sont entre eux la voie des extrêmes, des extrémistes et la voie des laxistes. Ils sont, et c'est là où se trouve la voie de la guidée. وَصِيَّةُ الثَّانِيَ قَالَ الْأَوْزَاعِي رَحِمَهُ اللَّهِ اسْبِرْ نَفْسَكَ عَلَى السُّنَّةِ وقف حيث وقفه القوم وقل فيما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما يسعهم. Le deuxième conseil, c'est ce qu'il a dit l'imam Al-Awza'i rahimahullah. Patience sur la sunna et arrête-toi là où le peuple ou les gens se sont arrêtés, c'est-à-dire ne plus à eux. Et parle avec les choses avec lesquelles ils ont parlé. Abstiens-toi de toutes choses de laquelle ils se sont abstenus, et prends le chemin de tes pieux aïeux, car leur chemin, le chemin qui a été large pour eux, il est large pour toi. الثالثة قال ابن القيم رحمه الله فمن أنشأ أقوالا وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعها ولا التحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول فإن طابقت ووافقت وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ وإن خالفته وجب ردها واطراحها فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين أحد الأمرين جعلت موقوفة وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه وأما أنه يجب ويتعين فكلا ولما. Le troisième conseil, c'est d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Il a dit, quand quelqu'un émet une expression ou instaure des règles selon sa compréhension, selon son interprétation, selon sa fausse interprétation, il n'est pas obligatoire à la communauté de le suivre, ni de prendre comme juge ses paroles, ni ses règles, jusqu'à ce que ses paroles et ses règles soient exposées à ce qui a été rapporté par le messager. Si ça concorde et si c'est confirmé avec la parole du messager, avec ce qui a été rapporté par le messager alayhi salam, et que la sunna lui atteste la validité et comme quoi c'est authentique, il sera accepté. Mais s'il est en divergence avec ce qui a été amené par le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est obligatoire de le rejeter, de plaquer contre le mur. Et si cette situation n'est pas claire, on s'arrête devant. C'est-à-dire, ni on sait s'il concorde avec la sunna, ni on sait s'il est rejeté. Dans ces cas-là, on laisse au stand-by. Et la meilleure des situations, c'est qu'il le permet de juger avec, ou de faire le verdict avec, de le délaisser. Mais comme quoi, il est obligatoire de le mettre en application, abadan, jamais de la vie. Yaqul, wa as'alu Allah al-Karim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yurina wa iyaakum ma'ashir al-Muslimin, al-Haqq haqqan, wa irzuqana attiba'ah, wa yurina al-Batila batilan, wa irzuqana ajtinaabah, wa la yaj'aluhu multabisan alayna, fanadhil, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina, محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وكتبه عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا وتم الفراغ من هذه المقالة بعد مغرب الخميس 21 من الشهر 12 من السنة 1433 et il dit je demande à Allah Azza wa Jal le souverain du tronc géant qu'il nous montre à nous et à l'ensemble des musulmans la vérité et qu'il nous donne et qu'il nous fasse suivre cette vérité et qu'il nous montre le faux et qu'il nous fasse éviter ce faux et que la situation du faux ne soit pas déguisée pour nous, que nous soyons égarés. Et la prière est sur le messager d'Allah et sur son et sur sa famille et ses nobles compagnons tous. Il a été écrit par Ubayd ibn Abdillah ibn Sulaym al-Jabiri, l'ancien enseignant à l'université de Médine, et il l'a terminé après Salat al-Maghrib le jeudi le 21 du mois 12 de l'an 1433 de l'Hégire. Wa ilayka akhi al-karim كلام قيم أختم به هذه الجلسة للشيخ محمد بن هادي المدخلي وهو من المدافعين عن هذا المنهج السلفي. Et pour toi frère en Allah Azza wa Jal, pour conclure cette assise, je te cite des paroles de Cheikh Mohammed bin Hadi al-Madkhali, qui est un grand défenseur aussi de cette voie. يقول حفظه الله فلا يجوز لأحد أن يقدم على أن يقدم على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد من الناس وليعلم في هذا الباب أمرين عظيمين ويحققهما، فإنه فإن هو حققهما فقد فاز وأفلح، وإن هو فرط فيهما أو في واحد منهما فقد خاب وخسر. أن الأول أن الله جل وعلا إنما افترض علينا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الحق هو ما قامت الأدلة من الكتاب والسنة عليه صريحة وصحيحة، وإذا كان كذلك فلا يجوز لك أن تعدل عنه. ولتعلم أن الرجال يعرفون بالحق لا الحق بالرجال. Il dit حفظه الله تعالى dans cette belle parole que nous devons prendre comme fondement, que nous devons avoir devant les yeux. Il n'est pas permis à tout un chacun de mettre la parole de quelqu'un devant la parole d'Allah et devant la parole de son messager alayhi salatu wasalam, qu'il soit qui il veut être. La parole d'Allah et la parole de son messager est au-dessus de tout. Et à ce niveau-là, il dit, il faut que tu saches deux points essentiels et que tu accomplisses ces deux points essentiels. Car si tu accomplis ces deux points essentiels, tu as gagné, tu as eu le grand gain. Et si tu négliges ces deux points, bah tu vas perdre et tu vas le regretter et tu vas aller vers ta perte. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a imposé et il a fait obligatoire pour nous d'obéir à Allah et d'obéir à son messager alayhi salatu wasalam. Deuxièmement, la vérité, c'est celle qui est accompagnée de preuves du livre d'Allah et de la sunna claire et authentique du messager alayhi salam. La vérité, c'est celle qui est prouvée par le livre d'Allah et l'authentique de la sunna claire de notre messager alayhi salam. Et s'il en est ainsi, on ne peut pas s'en détourner et mettre quelque chose en avant. Et qu'on doit savoir que les hommes, on doit les connaître, les peser avec la vérité. Et non pas, on ne doit pas peser la vérité avec les hommes. On pèse les hommes et on connaît les hommes et on connaît la réalité des hommes en connaissant la vérité. Et c'est pas les hommes qui vont nous faire connaître la vérité. Là, c'est la vérité qui nous fait apparaître la valeur de l'homme. Est-ce qu'il est sur la vérité ou là il l'est pas? Fais Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yuwaffiqna wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Salu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi kalam mashayikhina wa an yudhima an-ni'mata 'alayna wa an yutila 'umra mashayikhina fi ta'atihi subhanahu wa ta'ala innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alayhi wa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.